Section 9 de Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Jehanne. Compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy. Le prince lutin, suite. Il était tard, la princesse entra dans sa chambre pour se coucher. Lutin aurait bien voulu la suivre à sa toilette, mais encore qu'il le pût, le respect qu'il avait pour elle l'en empêcha. Il lui semblait qu'il ne devait prendre que les libertés qu'elle aurait bien voulu lui accorder, et sa passion était si délicate et si ingénieuse qu'il se tourmentait sur les plus petites choses. Il entra dans un cabinet proche de la chambre de la princesse, pour avoir au moins le plaisir de l'entendre parler. Elle demandait dans ce moment à Abricotine si elle n'avait rien vu d'extraordinaire dans son petit voyage. « Madame, lui dit-elle, j'ai passé par une forêt où j'ai vu des animaux qui ressemblaient à des enfants. Ils sautent et dansent sur les arbres comme des écureuils. Ils sont fort laids, mais leur adresse est sans pareille. « Ah, que j'en voudrais avoir !» dit la princesse. « S'ils étaient moins légers, on en pourrait attraper. » Lutin, qui avait passé par cette forêt, se douta bien que c'était des singes. Aussitôt, il s'y souhaita. Il en prit une douzaine, de gros, de petits et de plusieurs couleurs différentes. Il les mit, avec bien de la peine, dans un grand sac. Puis se souhaita à Paris, où il avait entendu dire que l'on trouvait tout ce qu'on voulait pour de l'argent. Il fut acheté chez d'Hôtel, qui est un curieux, un petit carrosse, tout d'or, où il fit atteler 6 singes verts, avec de petits harnais de maroquin, couleur de feu, garnis d'or. Il alla ensuite chez Briochet, fameux joueur de marionnettes. Il y trouva 2 singes de mérite. Le plus spirituel s'appelait Briscambille, et l'autre, Perceforêt, qui était très galant et bien élevé. Il habilla Briscambille en roi et le mit dans le carrosse. Perceforêt servait de cocher. Les autres singes étaient vêtus en pages. Jamais rien n'a été plus gracieux. Il mit le carrosse et les singes beautés dans le même sac, et, comme la princesse n'était pas encore couchée, elle entendit dans sa galerie le bruit du petit carrosse. Et ses nymphes vinrent lui conter l'arrivée du roi des nains. En même temps, le carrosse entra dans sa chambre avec le cortège saint-genois, et les singes de campagne ne laissaient pas de faire des tours de passe-passe, qui valaient bien ceux de Briscambille et de Perceforêt. Pour dire la vérité, Lutin conduisait toute la machine. Il tira le magot du petit carrosse d'or, lequel tenait une boîte couverte de diamants, qu'il présenta de fort bonne grâce à la princesse. Elle l'ouvrit promptement et trouva dedans un billet où elle lut ces vers. « Que de beauté, que d'agrément, palais délicieux, que vous êtes charmant, mais vous ne l'êtes pas encore autant que celle que j'adore. Bienheureuse tranquillité qui régnait dans ce lieu champêtre, je perds chez vous ma liberté, sans oser en parler ni me faire connaître. » Il est aisé de juger de sa surprise. Briscambille fit signe à Perceforêt de venir danser avec lui. Tous les fagotins si renommés n'approchent en rien de l'habileté de ceux-ci. Mais la princesse, inquiète de ne pouvoir deviner d'où venaient ces vers, congédia les baladins plus tôt qu'elle n'aurait fait, quoiqu'ils la divertissent infiniment, et qu'elle eût fait d'abord des éclats de rire à s'en trouver mal. Enfin, elle s'abandonna tout entière à ses réflexions, sans qu'elle pût démêler un mystère si caché. Léandre, content de l'attention avec laquelle ses vers avaient été lus et du plaisir que la princesse avait pris à voir les singes, ne songea qu'à prendre un peu de repos car il en avait un grand besoin. Mais il craignait de choisir un appartement occupé par quelqu'une des nymphes de la princesse. Il demeura quelque temps dans la grande galerie du palais. Ensuite, il descendit. Il trouva une porte ouverte. Il entra sans bruit dans un appartement bas, le plus beau et le plus agréable que l'on ait jamais vu. Il y avait un lit de gaze, or et vert, relevé de festons, avec des cordons de perles et des glands de rubis et d'émeraudes. Il faisait déjà assez de jours pour pouvoir admirer l'extraordinaire magnificence de ce meuble. Après avoir bien fermé la porte, il s'endormit. Mais le souvenir de sa belle princesse le réveilla plusieurs fois. Il ne put s'empêcher de pousser d'amoureux soupirs vers elle. Il se leva de si bonne heure qu'il eut le temps de s'impatienter jusqu'au moment qu'il pouvait la voir. Et, regardant de tous côtés, il aperçut une toile préparée et des couleurs. Il se souvint en même temps de ce que sa princesse avait dit à Abricotine sur son portrait. Et, sans perdre un moment, car il peignait mieux que les plus excellents maîtres, il s'assit devant un grand miroir et fit son portrait. il peignit dans un ovale celui de la princesse, l'ayant si vivement dans son imagination qu'il n'avait pas besoin de la voir pour cette première ébauche. Il perfectionna ensuite l'ouvrage sur elle sans qu'elle s'en aperçût. Et, comme c'était l'envie de lui plaire qui le faisait travailler, jamais portrait n'a été mieux fini. Il s'était peint un genou en terre, soutenant le portrait de la princesse d'une main et de l'autre un rouleau où il y avait écrit « Elle est mieux dans mon cœur ». Lorsqu'elle entra dans son cabinet, elle fut étonnée d'y voir le portrait d'un homme. Elle y attacha ses yeux avec une surprise d'autant plus grande qu'elle y reconnut aussi le sien et que les paroles qui étaient écrites sur le rouleau lui donnaient une ample matière de curiosité et de rêverie. Elle était seule dans ce moment. Elle ne pouvait que juger d'une aventure si extraordinaire, mais elle se persuadait que c'était Abricotine qui lui avait fait cette galanterie. Il ne lui restait qu'à savoir si le portrait de ce cavalier était l'effet de son imagination ou s'il avait un original. Elle se leva brusquement et courut appeler Abricotine. Lutin était déjà avec le petit chapeau rouge dans le cabinet, fort curieux d'entendre ce qui s'allait passer. La princesse dit à Abricotine de jeter les yeux sur cette peinture et de lui en dire son sentiment. Dès qu'elle l'eut regardée, elle s'écria « Je vous proteste, madame, que c'est le portrait de ce généreux étranger auquel je dois la vie. Oui, c'est lui, je n'en puis douter. Voilà ses traits, sa taille, ses cheveux et son air. » « Tu feins d'être surprise, » dit la princesse en souriant, « mais c'est toi qui l'as mise ici. »« Moi, madame, » reprit Abricotine, « je vous jure que je n'ai vu de ma vie ce tableau. Serais-je assez hardi pour vous cacher une chose qui vous intéresse ? Et par quel miracle serait-il entre mes mains ? Je ne sais point peindre, il n'a jamais entré d'homme dans ces lieux. Le voilà cependant peint avec vous. » « Je suis saisie de peur, » dit la princesse, « il faut que quelque démon l'ait apporté. » « Madame, » dit Abricotine, « ne serait-ce point l'amour ? Si vous le croyez comme moi, j'ose vous donner un conseil. Brûlons-le tout à l'heure. »« Quel dommage !» dit la princesse en soupirant. « Il me semble que mon cabinet ne peut être mieux orné que par ce tableau. » Elle le regardait en disant ces mots. Mais Abricotine s'opiniâtre à soutenir qu'elle devait brûler une chose qui ne pouvait être venue là que par un pouvoir magique. « Et ces paroles, elle est mieux dans mon cœur ?» dit la princesse. « Les brûlerons-nous aussi ? Il ne faut faire grâce à rien, » répondit Abricotine, « pas même à votre portrait. » Elle courut sur le champ quérir du feu. La princesse s'approcha d'une fenêtre, ne pouvant plus regarder un portrait qui faisait tant d'impression sur son cœur. Mais Lutin, ne voulant pas souffrir qu'on le brûlât, profita de ce moment pour le prendre et pour se sauver, sans qu'elle s'en aperçût. Il était à peine sorti de son cabinet qu'elle se tourna pour voir encore ce portrait enchanteur qui lui plaisait si fort. Quelle fut sa surprise de ne le trouver plus. Elle cherche de tous côtés. Abricotine rentre. Elle lui demande si c'est elle qui vient de l'ôter. Elle l'assure que non, et cette dernière aventure achève de les effrayer. Aussitôt, il cacha le portrait et revint sur ses pas. Il avait un extrême plaisir d'entendre et de voir si souvent sa belle princesse. Il mangeait tous les jours à sa table, avec Chableu, qui n'en faisait pas meilleure chère. Cependant, il manquait beaucoup à la satisfaction de Lutin, puisqu'il n'osait ni parler, ni se faire voir. Il est rare qu'un invisible se fasse aimer. La princesse avait un goût universel pour les belles choses. Dans la situation où était son cœur, elle avait besoin d'amusement. Comme elle était un jour avec toutes ses nymphes, elle leur dit qu'elle aurait un grand plaisir de savoir comment les dames étaient vêtues dans les différentes cours de l'univers, afin de s'habiller de la manière la plus galante. Il n'en fallut pas davantage pour déterminer Lutin à courir l'univers. Il enfonce son petit chapeau rouge et se souhaite en Chine. Il achète là les plus belles étoffes et prend un modèle d'habit. Il vole à Siam, où il en use de même. Il parcourt toutes les quatre parties du monde en 3 jours. À mesure qu'il était chargé, il venait au palais des plaisirs tranquilles, cacher dans une chambre tout ce qu'il apportait. Quand il eut ainsi rassemblé un nombre de raretés infinies, car l'argent ne lui coûtait rien et sa rose en fournissait sans cesse, il fut acheté 5 ou 6 douzaines de poupées qu'il fit habiller à Paris. C'est l'endroit du monde où les modes ont le plus de cours. Il y en avait de toutes les manières et d'une magnificence sans pareille. Lutin les arrangea dans le cabinet de la princesse. Lorsqu'elle y entra, l'on n'a jamais été plus agréablement surpris. Chacune tenait un présent, soit montre, bracelet, bouton de diamant, collier. La plus apparente avait une boîte de portraits. La princesse l'ouvrit et trouva celui de Léandre. L'idée qu'elle conservait du premier lui fit reconnaître le second. Elle fit un grand cri, puis, regardant Abricotine, elle lui dit « Je ne sais que comprendre à tout ce qui se passe depuis quelque temps dans ce palais. Mes oiseaux y sont pleins d'esprit. Il semble que je n'ai qu'à former des souhaits pour être obéi. Je vois deux fois le portrait de celui qui t'a sauvé de la main des voleurs. Voilà des étoffes, des diamants, des broderies, des dentelles et des raretés infinies. Quelle est donc la fée, quel est donc le démon qui prend soin de me rendre de si agréables services ? Léandre, l'entendant parler, écrivit ces mots sur ses tablettes et les jeta aux pieds de la princesse. « Non, je ne suis démon ni fée, je suis un amant malheureux qui n'ose paraître à vos yeux. Plaignez du moins ma destinée. » Le prince lutin. Les tablettes étaient si brillantes d'or et de pierreries qu'aussitôt elle les aperçut. Elle les ouvrit et lut ce que lutin avait écrit, avec le dernier étonnement. « Cet invisible est donc un monstre, disait-elle, puisqu'il n'ose se montrer. Mais s'il était vrai qu'il eût quelque attachement pour moi, il n'aurait guère de délicatesse de me présenter un portrait si touchant. Il faut qu'il ne m'aime point d'exposer mon cœur à cette épreuve, ou qu'il ait bonne opinion de lui-même de se croire encore plus aimable. « J'ai entendu dire, madame, répliqua Abricotine, que les lutins sont composés d'air et de feu, qu'ils n'ont point de corps, et que c'est seulement leur esprit et leur volonté qui agit. « J'en suis très aise, répliqua la princesse. Un tel amant ne peut guère troubler le repos de ma vie. » Léandre était ravi de l'entendre et de la voir si occupée de son portrait. Il se souvint qu'il y avait dans une grotte, où elle allait souvent, un piédestal sur lequel on devait poser une diane qui n'était pas encore finie. Il s'y plaça avec un habit extraordinaire, couronné de lauriers, et tenant une lyre à la main dont il jouait mieux qu'Apollon. Il attendait impatiemment que sa princesse s'y rendît comme elle faisait tous les jours. C'était le lieu où elle venait rêver à l'inconnu. Ce que lui en avait dit Abricotine, joint au plaisir qu'elle avait à regarder le portrait de Léandre, ne lui laissait plus guère de repos. Elle aimait la solitude, et son humeur enjouée avait si fort changé que ses nymphes ne la reconnaissaient plus. Lorsqu'elle entra dans la grotte, elle fit signe qu'on ne la suivit pas. Ses nymphes s'éloignèrent, chacune dans des allées séparées. Elle se jeta sur un lit de gazon, elle soupira, elle répandit quelques larmes, elle parla même, mais c'était si bas que lutin ne put l'entendre. Il avait mis le petit chapeau rouge pour qu'elle ne le vît pas d'abord. Ensuite, il l'ôta. Elle l'aperçut avec une surprise extrême. Elle s'imagina que c'était une statue, car il affectait de ne point sortir de l'attitude qu'il avait choisie. Elle le regardait avec une joie mêlée de crainte. Cette vision si peu attendue l'étonnait, mais, au fond, le plaisir chassait la peur, et elle s'accoutumait à voir une figure si approchante du naturel, lorsque le prince, accordant sa lyre à sa voix, chanta ces paroles. « Que ce séjour est dangereux, le plus indifférent y deviendrait sensible. En vain j'ai prétendu n'être plus amoureux. J'en perds ici l'espoir, la chose est impossible. » Pourquoi dit-on que ce palais est le lieu des plaisirs tranquilles ? J'y perds ma liberté sitôt que j'y parais, et pour m'en garantir, mes soins sont inutiles. Je cède à mon ardent amour, et voudrais être ici jusqu'à mon dernier jour. » Quelque charmante que fût la voix de Léandre, la princesse ne put résister à la frayeur qui la saisit. Elle pâlit tout d'un coup et tomba évanouie. Lutin, alarmé, sauta du piédestal à terre et remit son petit chapeau rouge pour n'être vu de personne. Il prit la princesse entre ses bras, il la secourut avec un zèle et une ardeur sans pareille. Elle ouvrit ses beaux yeux, elle regarda de tous côtés comme pour le chercher, elle n'aperçut personne. Mais elle sentit quelqu'un auprès d'elle qui lui prenait les mains, qui les baisait, qui les mouillait de larmes. Elle fut longtemps sans oser parler, son esprit agité flottait entre la crainte et l'espérance. Elle craignait lutin, mais elle l'aimait quand il prenait la figure de l'inconnu. Enfin, elle s'écria, « Lutin, galant lutin, que n'êtes-vous celui que je souhaite ?» À ces mots, lutin allait se déclarer, mais il n'osa encore le faire. « Si j'effraie l'objet que j'adore, disait-il, si elle me craint, elle ne voudra point m'aimer. » Ces considérations le firent taire et l'obligèrent de se retirer dans un coin de la grotte. La princesse, croyant être seule, appela Abricotine et lui conta les merveilles de la statue animée. Que sa voix était céleste, et que, dans son évanouissement, lutin l'avait fort bien secouru. « Quel dommage, disait-elle, que ce lutin soit difforme et affreux, car se peut-il des manières plus gracieuses et plus aimables que les siennes ?»« Et qui vous a dit, madame, répliqua Abricotine, qu'il soit tel que vous vous le figurez ? Psyché, ne croyait-elle pas que l'amour était un serpent ? Votre aventure a quelque chose de semblable à la sienne. Vous n'êtes pas moins belle. Si c'était Cupidon qui vous aima, ne l'aimeriez-vous point ? Si Cupidon et l'inconnu sont la même chose, dit la princesse, en rougissant, hélas, je veux bien aimer Cupidon. Mais que je suis éloignée d'un pareil bonheur, je m'attache à une chimère, et ce portrait fatal de l'inconnu, joint à ce que tu m'en as dit, me jette dans des dispositions si opposées aux préceptes que j'ai reçus de ma mère, que je ne peux trop craindre d'en être punie. Hé, madame, dit Abricotine en l'interrompant, n'avez-vous pas déjà assez de peine ? Pourquoi prévoir des malheurs qui n'arriveront jamais ? Il est aisé de s'imaginer tout le plaisir que cette conversation fit à Léandre. Cependant, le petit furibond, toujours amoureux de la princesse, sans l'avoir vue, attendait impatiemment le retour de ses quatre hommes qu'il avait envoyés à l'île des plaisirs tranquilles. Il en revint un qui lui rendit compte de tout. Il lui dit qu'elle était défendue par des Amazones et qu'à moins de mener une grosse armée, il n'entrerait jamais dans l'île. Le roi, son père, venait de mourir. Il se trouva maître de tout. Il assembla plus de 400 000 hommes et partit à leur tête. C'était là un beau général. Briscambi ou Perceforest aurait mieux fait que lui. Son cheval de bataille n'avait pas une demi-aune de haut. Quand les Amazones aperçurent cette grande armée, elles en vinrent donner avis à la princesse qui ne manqua pas d'envoyer la fidèle Abricotine au royaume des fées pour prier sa mère de lui mander ce qu'elle devait faire pour chasser le petit furibond de ses états. Mais Abricotine trouva la fée fort en colère. « Je n'ignore rien de ce que fait ma fille, lui dit-elle. Le prince Léandre est dans son palais. Il l'aime, il en est aimé. Tous mes soins n'ont pu la garantir de la tyrannie de l'amour. La voilà sous son fatal empire. Hélas, le cruel n'est pas content des maux qu'il m'a faits. Il exerce encore son pouvoir sur ce que j'aimais plus que ma vie. Tels sont les décrets du destin. Je ne puis m'y opposer. Retirez-vous, Abricotine. Je ne veux plus entendre parler de cette fille dont les sentiments me donnent tant de chagrin. » Abricotine vint apprendre à la princesse ces mauvaises nouvelles. Il ne s'en fallut presque rien qu'elle ne se désespérât. Lutin était auprès d'elle sans qu'elle le vît. Il connaissait avec une peine extrême l'excès de sa douleur. Il n'osa lui parler dans ce moment. Mais il se souvint que Furibon était fort intéressé et qu'en lui donnant bien de l'argent, peut-être qu'il se retirerait. Il s'habilla en Amazone, il se souhaita dans la forêt pour reprendre son cheval. Dès qu'il eut appelé Gridelin vint à lui, sautant et bondissant, car il s'était bien ennuyé d'être si longtemps éloigné de son cher maître. Mais, quand il le vit vêtu en femme, il ne le reconnaissait plus et craignait d'être trompé. Léandre arriva au camp de Furibon. Tout le monde le prit pour une Amazone, tant il était beau. On fut dire au roi qu'une jeune dame demandait à lui parler de la part de la princesse des plaisirs tranquilles. Il prit promptement son manteau royal et se mit sur son trône. L'on eût dit que c'était un gros crapaud qui contrefaisait le roi. Léandre le harangua et lui dit que la princesse, préférant une vie douce et paisible aux embarras de la guerre, elle lui envoyait offrir de l'argent autant qu'il en voudrait pour qu'il la laissât en paix. Qu'à la vérité, s'il refusait cette proposition, elle ne négligerait rien pour se défendre. Furibon répliqua qu'il voulait bien avoir pitié d'elle, qu'il lui accordait l'honneur de sa protection, et qu'elle n'avait qu'à lui envoyer 100 000 000 000 000 000 de pistoles, qu'aussitôt il retournerait dans son royaume. Léandre dit que l'on serait trop longtemps à compter 100 000 000 000 000 de pistoles, qu'il n'avait qu'à dire combien il en voulait de chambres pleines, et que la princesse était assez généreuse et assez puissante pour n'y pas regarder de si près. Furibon demeura bien étonné qu'au lieu de lui demander à rabattre, on lui proposa d'augmenter. Il pensa en lui-même qu'il fallait prendre tout l'argent qu'il pourrait, puis arrêter l'Amazone et la tuer pour qu'elle ne retournât point vers sa maîtresse. Il dit à Léandre qu'il voulait 30 chambres, bien grandes, toutes remplies de pièces d'or, et qu'il donnait sa parole royale qu'il s'en retournerait. Léandre fut conduit dans les chambres qu'il devait remplir d'or. Il prit la rose et la secoua tant et tant qu'il en tomba à pistoles, quadruples, louis, écus d'or, nobles à la rose, souverains, guinées, sequins. Cela tombait comme une grosse pluie. Il y a peu de choses dans le monde qui soient plus jolies. Furibon se ravissait, s'extasiait, et plus il voyait d'or, plus il avait d'envie de prendre l'Amazone et d'attraper la princesse. Dès que les 30 chambres furent pleines, il cria à ses gardes « Arrêtez, arrêtez cette friponne, c'est de la fausse monnaie qu'elle m'apporte !» Tous les gardes se voulurent jeter sur l'Amazone, mais en même temps le petit chapeau rouge fut mis et Lutin disparut. Ils crurent qu'il était sorti, ils coururent après lui et laissèrent Furibon seul. Dans ce moment, Lutin le prit par les cheveux et lui coupa la tête comme à un poulet, sans que le petit malheureux roi vît la main qui l'égorgeait. Quand Lutin eut sa tête, il se souhaita dans le palais des plaisirs. La princesse se promenait, rêvant tristement à ce que sa mère lui avait mandé, et au moyen de repousser Furibon, qu'elle imaginait difficile, étant seule avec un petit nombre d'Amazones qui ne pourraient la défendre contre 400 000 hommes. Elle vit tout d'un coup une tête en l'air sans que personne l'atteint. Ce prodige l'étonna si fort qu'elle ne savait qu'en penser. Ce fut bien pis quand on posa cette tête à ses pieds sans qu'elle vît la main qui la tenait. Aussitôt, elle entendit une voix qui lui dit « Ne craignez plus, charmante princesse, Furibon ne vous fera jamais de mal. » Abricotine reconnut la voix de Léandre et s'écria « Je vous proteste, madame, que l'invisible qui parle est l'étranger qui m'a secouru. » La princesse parut étonnée et ravie. « Ah, dit-elle, s'il est vrai que Lutin et l'étranger soient une même chose, j'avoue que j'aurais bien du plaisir de lui témoigner ma reconnaissance. » Lutin repartit « Je veux encore travailler à la mériter. » En effet, il retourna à l'armée de Furibon, où le bruit de sa mort venait de se répandre. Dès qu'il y parut, avec ses habits ordinaires, chacun vint à lui. Les capitaines et les soldats l'environnèrent, poussant de grands cris de joie. Ils le reconnurent pour leur roi, et que la couronne lui appartenait. Il leur donna libéralement à partager entre eux les 30 chambres pleines d'or, de manière que cette armée fut riche à jamais. Et, après quelques cérémonies qui assuraient Léandre de la foi des soldats, il retourna encore vers sa princesse, ordonnant à son armée de s'en aller à petite journée dans son royaume. La princesse s'était couchée, et le profond respect que ce prince avait pour elle l'empêcha d'entrer dans sa chambre. Il se retira dans la sienne, car il avait toujours couché en bas. Il était lui-même assez fatigué pour avoir besoin de repos. Cela fit qu'il ne pensa point à fermer la porte aussi soigneusement qu'il le faisait d'ordinaire. La princesse mourait de chaud et d'inquiétude. Elle se leva plus matin que l'aurore et descendit en déshabillé dans son appartement bas. Mais quelle surprise fut la sienne d'y trouver Léandre, endormi sur un lit. Elle eut tout le temps de le regarder sans être vue et de se convaincre que c'était la personne dont elle avait le portrait dans sa boîte de diamants. « Il n'est pas possible, disait-elle, que ce soit ici Lutin, car les lutins dorment-ils? Est-ce là un corps d'air et de feu qui ne remplit aucun espace, comme le dit Abricotine ?» Elle touchait doucement ses cheveux, elle l'écoutait respirer, elle ne pouvait s'arracher d'auprès de lui. Tantôt, elle était ravie de l'avoir trouvé, tantôt, elle en était alarmée. Dans le temps qu'elle était le plus attentive à le regarder, sa mère, la fée, entra avec un bruit si épouvantable que Léandre s'éveilla en sursaut. Quelle surprise et quelle affliction pour lui de voir sa princesse dans le dernier désespoir. Sa mère l'entraînait, la chargeant de 1000 reproches. Oh, quelle douleur pour ces jeunes amants! Ils se trouvaient sur le point d'être séparés pour jamais. La princesse n'osait rien dire à la terrible fée. Elle jetait les yeux sur Léandre comme pour lui demander quelque secours. Il jugea bien qu'il ne pouvait pas la retenir malgré une personne si puissante. Mais il chercha dans son éloquence et dans sa soumission les moyens de toucher cette mère irritée. Il courut après elle, il se jeta à ses pieds. Il la conjura d'avoir pitié d'un jeune roi qui ne changerait jamais pour sa fille et qui ferait sa souveraine félicité de la rendre heureuse. La princesse, encouragée par son exemple, embrassa aussitôt les genoux de sa mère et lui dit que sans le roi, elle ne pouvait être contente et qu'elle lui avait de grandes obligations. « Vous ne connaissez pas les disgrâces de l'amour, » s'écria la fée, « et les trahisons dont ces aimables trompeurs sont capables. Ils ne nous enchantent que pour nous empoisonner. Je l'ai éprouvé. Voulez-vous avoir une destinée semblable à la mienne ?»« Ah, madame, » répliqua la princesse, « n'y a-t-il point d'exception ? Les assurances que le roi vous donne, et qui paraissent si sincères, ne semblent-elles pas me mettre à couvert de ce que vous craignez ?» L'opiniâtre fée les laissait soupirer à ses pieds. C'était inutilement qu'il mouillait ses mains de leurs larmes. Elle y paraissait insensible. Et sans doute, elle ne leur aurait point pardonné si l'aimable fée gentille n'eût paru dans la chambre, plus brillante que le soleil. Les grâces l'accompagnaient. Elle était suivie d'une troupe d'amour, de jeux et de plaisirs, qui chantaient 1000 chansons agréables et nouvelles. Ils folâtraient comme des enfants. Elle embrassa la vieille fée. « Ma chère sœur, lui dit-elle, je suis persuadée que vous n'avez pas oublié les bons offices que je vous rendis lorsque vous voulûtes revenir dans notre royaume. Sans moi, vous n'y aurez jamais été reçue, et depuis ce temps-là, je ne vous ai demandé aucun service. Mais enfin, le temps est venu de m'en rendre un essentiel. Pardonnez à cette belle princesse. consentez que ce jeune roi l'épouse. Je vous réponds qu'il ne changera point pour elle. Leurs jours seront filés d'or et de soie. Cette alliance vous comblera de satisfaction, et je n'oublierai jamais le plaisir que vous m'aurez fait. « Je consens à tout ce que vous souhaitez, charmante, gentille, » s'écria la fée. « Venez, mes enfants, venez, entre mes bras, recevoir l'assurance de mon amitié. » À ces mots, elle embrassa la princesse et son amant. La fée gentille, ravie de joie, et toute la troupe commencèrent les chants d'Hyménée. Et la douceur de cette symphonie, ayant réveillé toutes les nymphes du palais, elles accoururent avec de légères robes de gaze pour apprendre ce qui se passait. Quelle agréable surprise pour Abricotine! Elle eut à peine jeté les yeux sur Léandre qu'elle le reconnut, et, lui voyant tenir la main de la princesse, elle ne douta point de leur commun bonheur. C'est ce qui lui fut confirmé lorsque la mère fée dit qu'elle voulait transporter l'île des plaisirs tranquilles, le château et toutes les merveilles qu'il renfermait dans le royaume de Léandre, qu'elle y demeurerait avec eux et qu'elle leur ferait encore de plus grands biens. « Quelque chose que votre générosité vous inspire, madame, lui dit le roi, il est impossible que vous puissiez me faire un présent qui égale celui que je reçois aujourd'hui. Vous me rendez le plus heureux de tous les hommes, et je sens bien que j'en suis aussi le plus reconnaissant. » Ce petit compliment plus fort à la fée. Elle était du vieux temps où l'on complimentait tout un jour sur le pied d'une mouche. Comme gentille pensait à tout, elle avait fait transporter par la vertu de Brelique-Breloque les généraux et les capitaines de l'armée de Furibon au palais de la princesse, afin qu'ils fussent témoins de la galante fête qui allait se passer. Elle en prit soin, en effet, et 5 ou 6 volumes ne suffiraient point pour décrire les comédies, les opéras, les courses de bagues, les musiques, les combats de gladiateurs, les chasses et les autres magnificences qu'il y eut à ces charmantes noces. Le plus singulier de l'aventure, c'est que chaque nymphe trouva parmi les braves que Gentil avait attirés dans ces beaux lieux un époux aussi passionné que s'il s'était vu depuis 10 ans. Ce n'était néanmoins qu'une connaissance au plus de 24 heures, mais la petite baguette produit des effets encore plus extraordinaires. Fin de la section 9. Fin de compilation de contes par Marie-Catherine d'Aulnoy.